Du 8 au 21 juillet 2019, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix de créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour notre émission de l'été grand large avec laquelle nous partirons à la rencontre des créateurs qui sont invités à cette 22e édition du théâtre d'outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des grands larges. Vous nous écoutez sur le net sur www.verbeincarne.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sylvie Glissant. Bonjour. Bonjour. Vous présentez en tant qu'artiste plasticienne l'exposition Les Traversants que nous pouvons découvrir à la Petite Chapelle du Verbe Incarné jusqu'à la fin du festival. Avec nous également Edoui Plenel, bonjour. Bonjour. Alors nous avons le plaisir de vous retrouver chaque année car depuis 2010, la Chapelle du Verbe Incarné a scellé un rendez-vous annuel avec l'Institut du Tout Monde qui a été créé en 2006 par Édouard Glissant. Il s'agit des écrans du Tout Monde, un cycle cette année de 3 films que vous présentez et qui a débuté ce matin avec Les Souffleurs de mémoire de Pierre-Louis Delbois. Je vous propose d'écouter un extrait. S'il y a un bruit de conque, ça descend sur toi, dans toutes les façons, il y a quelque chose. Parce qu'on ne prend pas la conque dans la mer pour faire n'importe quoi. Alors c'est un documentaire assez singulier où on découvre ces sons venus de la mer par le biais de ce coquillage, le conque. Oui, c'est la conque de Lamby. Hein, c'est très beau coquillage que... qui sont comme une sorte de cône comme ça, et puis c'est un grand autre cône, et puis on peut rentrer la main, ça joue beaucoup pour le souffle. Et en fait, ce groupe Ouattabouille a réhabilité une musique qui était une musique cachée, musique populaire, musique des travaux des champs, musique de la résistance, musique de la pêche, musique qui indique les courants, musique qui rythme le travail, musique qui appelle à la révolte, et qui est vraiment totalement glissantienne, parce qu'elle part, le héros, c'est un coquillage, n'est pas l'homme, et tous ces hommes racontent, et femmes d'ailleurs, racontent comment ils et elles respectent ce coquillage, qui est une beauté, qui est une merveille, de la nature, qui est une complexité, qui est un continent à lui tout seul, un archipel. On fait toutes sortes de bruits et de sons et d'échos et de mélodies différentes. Et puis, derrière cette histoire glissantienne, il y a aussi, au fond, un objet de la créolisation du monde, puisque c'est une histoire de ces îles, de ces îles de la Caraïbe. Caraïbe, c'est un peuple, le peuple caraïbe, les Arawaks qui ont disparu, mais qui étaient là au début de la conquête, évidemment, et qui, pour certaines communautés, on en a des témoignages, étaient encore là avec la traite négrière, avec l'esclavage, donc ont aidé toutes ces populations déportées et ont abrité certains qui s'étaient évadés du système totalitaire de la plantation. Donc la conque de Lamby, elle est passée dans les usages. D'ailleurs, dans le film, on voit des archéologues qui racontent ce qu'ils ont trouvé dans des fouilles sur l'histoire Caraïbes des Petites Antilles, et elle est passée dans d'autres mains, et dans ces autres mains, elle est devenue autre chose. Et ce film est superbe parce que tout est dit avec beaucoup de finesse, et j'insiste, c'est une histoire populaire, et vraiment c'est un très beau film aussi. Édouard était comme ça, Édouard n'aimait pas la hiérarchie des cultures. culture, pas seulement dans la domination, mais même la hiérarchie sociale. Il avait un bonheur et un plaisir à tout ce qui pouvait nourrir la culture, et on le retrouve dans le discours antillais. Et ce que montre bien le film, c'est que cette conque de Lamby, cette musique, elle vient vraiment du peuple, et de l'ordinaire du peuple, de l'inventivité du peuple, de l'intelligence du peuple, de la créativité du peuple. Donc c'est aussi un superbe hommage à quelque chose qui, dernier mot, je voudrais dire, qui, c'est l'inverse du folklore. Et pour moi, j'y ai repensé après, ça m'a beaucoup ému, parce que quand j'étais gamin en Martinique, bon, là, je pêchais le lamby, et à l'époque, on pouvait faire des pêches merveilleuses, mais surtout, cette question du folklore, et dans l'histoire du lien personnel à la Martinique, mon père avait fait au théâtre municipal à Fort-de-France une conférence qui avait fait un peu de bruit. Il était le responsable de l'éducation sur le folklore, mais pour critiquer la folklorisation, hein, Bamouin Antibaud, Doudou, tout le doudouisme, et lui, il l'avait fait dans une alliance entre cultures opprimées, c'est la folklorisation bretonne, hein, la folklorisation anecdotique, la caricature aussi, parce que ça donne Bécassine, ça donne Banania, hein, voilà. Mais cette façon de mettre à l'écart, de mettre dans le folklore une culture populaire, elle vit comme ça. Et d'ailleurs, il y a des groupes folkloriques qui disent une expression populaire, mais en même temps, on la met à part. On la met à part au lieu de l'accepter comme telle. Et ce qui est très, très bien dans ce film, justement, c'est que cette musique, elle n'est pas folklorisée. Puis on voit après ce groupe jouer dans des festivals de jazz, découvrir d'autres musiques, rencontrer des slameurs, des rappeurs qui eux-mêmes découvrent cette musique, donc la musique d'aujourd'hui. Il y a vraiment cette modernité de la tradition, ou plutôt ce passé plein d'à présent, cette temporalité. C'est la mer, hein, c'est la mer. Le temps revient. Et le temps est une richesse infinie. Le film commence d'ailleurs sur une... C'est la mer qui est là. Et ce que rappellent les Antilles, c'est qu'on est des petits fétus, hein, sur ce temps, sur cette terre. Bref, voilà. Je pourrais être inlassable parce que ce film est formidable. Ce n'est que le premier. Hein. Il y a deux autres films dont on va parler de ce moment annuel des écrans du tout monde. Oui, parce qu'effectivement, il y a un rapport à la mer qui est très sacré. On le ressent dans ce documentaire. Il y a aussi une volonté de pratiquer cet art musical pour qu'il ne disparaisse pas. Alors, ce qui est assez intéressant, Sylvie, c'est qu'en fait, cet héritage de la tradition martiniquaise, ce patrimoine sacré, est transformé en une esthétique créatrice. C'est assez présent. Enfin, il y a ce phénomène-là. Vous voulez dire dans le film ? Ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, une esthétique créatrice. Je pense que, moi, je ne sais pas comment on l'exprimer. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour moi, en tout cas, arriver à retrouver en fait le souffle, retrouver un rythme, c'est retrouver aussi des rythmes d'une communauté. On le voit, on explique beaucoup dans ce film que, par exemple, on utilisait énormément le lamby pour, par exemple, sur les bateaux, pour indiquer les manœuvres à faire. On l'utilisait dans les plantations pour ça rythmer donc les gestes. Je pense que ces sons, on a retrouvé des sons, les sons du rythme d'une communauté et d'une liberté. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est ça fait référence vraiment à les gestes n'étaient pas libres, hein, du temps de l'esclavage. Enfin, on n'avait pas le rythme était imposé. Et le souffle, enfin ce qu'on entend, le son, c'est vraiment la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, un son peut traverser, ça traverse les espaces. En fait, on peut communiquer. Je pense qu'on indiquait, c'est vraiment une façon pour la communauté de se retrouver, de se rassembler et de communiquer. Alors que ils disent que ça remplace le téléphone. Ça remplace le téléphone et puis ça, la parole a été donc longtemps interdite, les regards aussi. Et je pense que c'est une façon de retrouver ce qui permettait peut-être de communiquer une parole à travers, c'est-à-dire qu'on envoyait des signes, on envoyait des paroles à travers ces sons, quoi. Enfin, voilà. Oui. C'est une musique aussi sans possession, c'est une musique de l'émancipation, de la résistance, mais c'est aussi, ça c'est frappant, le lambi, voilà, on va le chercher dans la mer, on le respecte, et après on voit c'est quoi la basse, et en fait on découvre que l'un des musiciens qui accompagne, et qui est un paysan, hein, qui a sa case, on le voit, eh ben, avec un coffre de contreplaqué, il fait le rythme, et il fait le rythme en rappelant une histoire de son enfance où il y avait des anciens qui avaient une sorte de bout de bâton avec des bouts un peu différents de taille et qui en fait passaient sur les portes et avec sur la porte et oui qui grattaient. On ne peut pas entendre, mais qui grattaient. Et en fait, on comprend à ce moment-là qu'en fait, c'est le bonheur, le plaisir, le rythme, le corps qui est inventé par des gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont que ce qu'ils peuvent trouver, là, un bout de bois et un coquillage. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas ce qu'on a dans notre monde d'aujourd'hui. Ils n'ont rien. Et là, je trouve que c'est totalement magique, ça, parce que c'est vraiment que... voilà, même si on n'a rien, même si on n'a rien, il y a une poésie en nous qu'on peut chercher, il y a une création, il y a beaucoup de ça. Alors là, mais ça, je ne sais pas si tout le monde ressent ça. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, il y a beaucoup d'humour. Mais ça, pour moi, je trouve que le créole là, est une langue de l'humour. Est une langue de pas de la moquerie, de l'humour généreux, hein, on se chine, et on sent ça qu'il y a beaucoup d'humour. Mais c'est de belles personnes. Et puis il y a une phrase en créole à un moment qui résume le film. Il dit en l'autre bagaille derrière. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup et on creuse et on cherche et on trouve beaucoup de choses. Voilà. Et c'est vraiment. Mais ce groupe, Sylvie a fait des choses avec l'Institut du Tout Monde. Pour ce groupe, il y a eu la dernière fois à la Maison de la Poésie, l'Institut du Tout Monde à Paris a fait venir ce groupe qui a fait un récital formidable au moment où Patrick Chamoiseau recevait le prix Édouard Glissant. Et vraiment, moi, quand j'ai découvert ce groupe, je me suis dit un jour, ça m'arrivera comme tout le monde. Eh ben, comme on voit parfois des orchestres de jazz, je trouve sinistre les enterrements où on doit pleurer, etc. Eh ben ça, voilà. Et on voit un hommage dans le film autour de la tombe d'Édouard Glissant, dont la tombe a été inventée. Par Victor Anisset, un artiste très proche de Sylvie et d'Edouard, et on a un hommage. Et je trouve que c'est une superbe musique pour habiter d'autres mondes, quoi. Voilà, c'est une musique du voyage. Les images du film le montrent bien aussi. On voit la conque et on voit la mer au loin. Parce que les Antilles, c'est la mer et en même temps, plouf, la montagne qui n'est pas n'importe quelle montagne. Elle peut cracher, elle peut trembler. Voilà, il y a... Et c'est vraiment... C'est un super film et c'est une superbe histoire. Parce que, voilà, ce coquillage... Ce qui n'est pas présent dans le film, qu'il faudrait dire, hein, c'est que... Dans notre urgence sur les enjeux écologiques, c'est que ce superbe coquillage et le lambi lui-même, j'ai dit qu'on faisait des pêches miraculeuses quand j'étais gamin là-bas, il a du mal, hein. Il a du mal avec toute la pollution, il a du mal avec ce qui arrive à la barrière de corail, il a du mal. Voilà, et ça aussi, ce sont des merveilles qu'on abîme, quoi. Alors, je vous propose de continuer ce voyage poétique des écrans du Tout Monde avec Paul Wameau. Je demande la parole. Alors, Paul Wameau est un poète, auteur, compositeur kanak. Et nous le suivons dans ses allers-retours entre la Nouvelle-Calédonie et la scène avignonnaise de la Chapelle du Verbe Incarné qui le recevait l'année dernière. Je vous propose un petit extrait de ce documentaire. Le 26 juin 1988, les accords de Matignon furent signés au nom de l'État français, du Rassemblement pour la Calédonie dans la République et du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Un accord de paix. Ils ont signé pour qu'un jour soit organisée une consultation sur l'accession du pays à la pleine souveraineté, à l'indépendance. Puis l'accord de Nouméa le 5 mai 1998. Et aujourd'hui, nous y sommes. Si je dois répondre à la question posée par le référendum, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Je vous réponds. Je rêve. Oui, je rêve. Et dans mes rêves, je vois pirogue pacifique, ressuscitée de l'oubli, débarquer sur les berges mornes de l'Europe moribonde. À leur bord, nos enfants arc-en-ciel. Alors, nous pourrons découvrir ce film le 16 à 10 heures. Ici, il y a une vraie nécessité de s'adresser à son pays pour raconter son histoire intime. Oui, parce que la longue marche pour l'émancipation en Kanaky, elle est pleine de blessures. Et il y a besoin que, entre Kanak aussi, on se raconte l'histoire. Et puis, entre Kanak et Caldoche, parce que Caldoche habitent aussi, vivent, sont dans ce pays, et pas seulement les Océaniens qui viennent, il y a toute une diversité. Mais je dis qu'il y a des blessures, il y a eu de très belles choses qui ont été faites là-dessus, mais c'est un travail. 88, les accords, vous savez, de Matignon, puis après complétés à Nouméa, ont comme point de départ une tragédie. Et sont suivis d'une tragédie. La tragédie, c'est le massacre par les forces françaises qui se passe à la grotte d'Ouvéa. Massacre de gens qui, pour certains, ont été tués alors qu'ils étaient faits prisonniers. Et puis, comme vous savez, cette histoire se trace comme une tragédie antique. Du coup, sous le choc et sous le parrainage de Michel Rocard et avec l'intelligence évidemment de Jean-Marie Tchibaou et de Jacques Lafleur, il y a ces accords, mais il y a une blessure qui s'est passée. Et du coup, cette blessure, comme dans une tragédie grecque, un an après le massacre, Tchoubéli Véa, qui était un des témoins, des engagés de la tribu de Gossana va assassiner Yewene Jean-Marie Tchibaou et lui-même se faire tuer. Et tout ça, c'est pour ça, cette histoire. Et la Grec Germain, qui nous accueille ici avec Marie-Pierre Bousquet, a eu une formule à rappeler là. Un moment aujourd'hui, cette formule qu'on apprécie chez les Kanaks. Vous avez une montre, nous on a le temps. vous avez une montre, nous on a le temps. Le temps, hein, le temps. Vous savez, vous l'entendiez là en Kanaky, la parole est lente et on ne bouscule pas la parole. Hein, on laisse la parole, même si elle est hésitante. On laisse le silence. Elle est lente et elle est tellement organisé, qui compris, vous savez que dans les chefs de tribu, on a un porte-parole. C'est pas forcément, quand on fait la coutume, c'est pas le chef qui parle. Il y a quelqu'un pour la parole et qui a des rituels de la parole. Et on prend le temps. Nous, on parle trop vite. On se précipite un peu trop sur les mots. On les mange un peu trop. Comme si y avait la montre qui tourne, mais. Et d'ailleurs, je suis bavard, donc faut peut-être que je m'arrête pour la montre. Non, mais c'est avec plaisir. Alors, le dernier film qu'on pourra découvrir, donc, c'est Le Dernier Combat des Capitaines de Guyane, d'Hervan Le Guillermic et David Morvan. Un documentaire qui traite du combat des Amérindiens en Guyane qui tentent de résister au projet dévastateur de la Montagne d'Or. Je vous propose d'en écouter un extrait. L'objectif de notre mobilisation, c'est de vraiment informer la population. Déjà, dans un premier temps, qu'il y a une mobilisation forte qui est en train de se créer contre ce projet-là et contre tous les autres projets de ce type-là, en fait. Parce que c'est vraiment ça, ça va prendre une ampleur. C'est-à-dire que la question de la montagne d'or, c'est une question de choix de société. Donc nous, on est opposés à ça. Nous, les Amérindiens, on est complètement opposés à ça. Il y a énormément d'autres possibilités pour créer de l'emploi pour la jeunesse. Aujourd'hui, on crée des générations de malheureux parce qu'on formate les jeunes à vouloir toujours plus. Aujourd'hui, les jeunes ne rêvent pas de travailler, ils rêvent d'être riches. Et ça, c'est le modèle de société occidentale qui nous matraque en permanence, à travers les clips, à travers toutes les publicités et tout le mode de vie qu'on nous balance en permanence. Alors, il s'agit d'un profond cataclysme environnemental. Ce qui est beau et à la fois assez atroce dans ce documentaire, c'est que malgré tout, malgré le fait que tout soit déjà acté en haut lieu, ils continuent leur lutte. Oui, bien sûr, ils ne sont pas rassurés. Vous savez, il y a toutes sortes de bagarres en Guyane parce que bon, c'est le seul territoire d'outre-mer continental de la France. Et sur... Il y a du minerai, il y a de la richesse, il y a du pétrole, Et on est dans un enjeu très important qui a été bien résumé là. Et qui est au cœur des enjeux climatiques. Est-ce que on remet en cause un mode de vie prédateur, un mode de vie destructeur, un mode de vie de consommation, d'appropriation, qui du coup détruit le tout vivant du monde? Et donc, et la colonisation pousse à ça, puisque la façon d'acheter la colonisation, c'est par la consommation. C'est d'acheter. C'est les supermarchés, c'est la consommation. Consommer, consommer. Et donc derrière, il faut tout ça. Où est-ce qu'on remet en cause ça? Donc derrière la lutte en Guyane, il y a eu une lutte qui a fait reculer Total là, sur des recherches de pétrole. Il y a cette lutte sur la montagne d'or où officiellement, c'est arrêté, mais il y a une vigilance qui continue et il va y en avoir d'autres parce que derrière, c'est pas seulement préserver le vivant tel qu'il est, c'est aussi réinventer autrement un autre mode de vie. Et sur les Amérindiens, c'est aussi garder ce que nous ont dit les cultures traditionnelles sur notre rapport à la nature, sur notre façon d'être, sur notre façon de manger, notre façon de nous déplacer, notre façon de... on devrait utiliser, y compris les aspects positifs de notre modernité, avec la révolution numérique et les savoirs qu'elles font partager pour se remettre en cause là-dessus. Et vraiment, j'étais en Guyane en janvier. Les gens qui collectif sur la montagne d'or tient son blog sur Mediapart. C'est un collectif où il y a des gens de tous horizons qui sont très, très mobilisés. Et ce qui est terrible, c'est que les autorités politiques locales, le président du territoire, qui veut du bien à son territoire. Mais du coup, il était pour ces projets-là. Il est pour ces projets-là parce qu'il pense que il va y avoir des taxes, il va y avoir du bien, ça va avoir une retombée. Et c'est là, on est au cœur de comment on se remet en cause par rapport à l'autre montre. La montre, les experts du GIEC nous ont dit qu'il nous reste 11 ans pour inverser. Et donc, je trouve que c'est un très, très gros test parce que là, c'est en direct. La France est au cœur de prédation de matières premières et dans toutes sortes de pays. Mais là, c'est un territoire français. Et qu'est-ce qu'on fait là? Je ne sais pas si Sylvie est d'accord avec ce que je dis. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est vraiment une urgence. Et puis alors la Guyane, à mon avis, c'est très important. Et là, on parle donc de ce combat. Je pense que c'est peut-être le dernier combat des Amérindiens. Parce que... Franchement, ils sont tellement menacés. Ils sont tellement. Il faut voir que actuellement, la jeunesse est assez désespérée. On assiste. Je discutais avec une artiste amérindienne qui fait notamment des ciels de case qui s'appelle Tiwan Kushili. Et donc, elle me disait. enfin, à quel point c'était dramatique. Dans, des jeunes se suicident beaucoup, on se suicide beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, il n'y a plus rien à l'horizon. Enfin, il n'y a plus de possibilités. Même les combats, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être le dernier combat, parce que la possibilité de combattre même n'est plus possible. C'est-à-dire qu'ils sont tellement écrasés par ces machines énormes. La montagne d'or, c'est vraiment une montagne. C'est vraiment une montagne. Alors que c'est un trou immense, enfin un cratère qui va complètement traverser qui va fendre la terre, libérer, enfin comme on le sait, tous les produits toxiques qu'on utilise d'ailleurs depuis des années. Hein. C'est vrai que le sol de la forêt amazonienne, enfin la forêt est extrêmement menacée et la communauté qui est là, qui essaie de survivre. Je pense qu'elle ne, enfin, à mon avis, elle est extrêmement menacée. C'est peut-être son dernier combat. Je pense qu'il faut prendre conscience que même si on nous annonçait que oui, finalement, on allait certainement abandonner ce projet. C'est pas certain parce que les effets d'annonce, on les connaît et faut voir. Je crois qu'il faut attendre. Et en plus, au dernier G20, là, le rassemblement des puissants du monde, où il y avait pas mal d'affreux quand même, a été décidé et l'Union européenne signe cet accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, mais notamment avec le Brésil. Et le Brésil de M. Bolsonaro est aujourd'hui le premier déforestateur du monde. Vous savez que le ministre des Affaires étrangères, du pouvoir qui est arrivé avec la manipulation de la justice pour mettre en prison l'ancien président Lula, pour l'empêcher de se présenter. On le sait aujourd'hui, c'est documenté par des révélations de la presse. Hein, le ministre de la Justice de M. Bolsonaro est celui qui a trafiqué tout ça en tant que soi-disant juge intègre anticorruption. Et ce ministre des Affaires étrangères a dit le dérèglement climatique, le changement climatique, c'est un complot marxiste. C'est un complot marxiste. Et pour montrer comment tout va ensemble, à peine cet accord de libre-échange était décidé de le signer, y compris nos gouvernants, ceux qui prétendent qu'on doit être un exemple sur l'environnement. Donc là, il y a quand même un problème. Ce serait une bonne raison de dire, écoutez, tant que vous avez ces pratiques-là, nous, on va pas accepter tout bêtement pour faire du commerce qu'en même temps, on détruise ce qui est notre bien commun. Eh bien, dans la foulée, M. Bolsonaro a fait une déclaration pour dire, et on parle justement des difficultés sur ce continent et de la misère, pour dire que le travail des enfants, il trouvait ça très bien. Voilà. Donc c'est le 19e siècle. Il y a actuellement, sur tous ces enjeux dans le monde, il y a un retour vraiment aux prédations du 19e siècle, c'est-à-dire des élites dirigeantes économiques et politiques qui n'ont plus de souci du bien commun, qui n'ont que le souci de la possession, du pouvoir, de l'avoir, de leur propre court terme, avec des enrichissements d'une folie immense d'une toute petite minorité de gens. Mais là, il y a de quoi vraiment s'engager et se révolter et s'unir sur ces enjeux-là. Alors, on invite évidemment tous les spectateurs à venir voyager et s'interroger à travers ces écrans du tout monde. Sylvie Glissant, vous présentez votre exposition Les Traversants à la Petite Chapelle du Verbe Incarné. Alors, des toiles qui nous interrogent sur notre accueil à l'autre, l'hospitalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces créations ? Bon. Bon, c'est toujours très difficile de parler de ce qu'on fait. Oui, bon, déjà le titre de l'expo, c'est Les Traversants. Je travaille depuis pas mal de temps sur ces espaces traversants, sur ces paysages qu'il faut peut-être que l'on retrouve, que l'on doit créer peut-être ensemble, ces nouveaux paysages. Moi, enfin, dans peut-être ce que je fais, je parle beaucoup. Il y a beaucoup d'horizons, il y a beaucoup de paysages comme ça. Il y a une sorte de basculement, si vous voulez, de de la perspective qui s'horizontalise, c'est-à-dire une perspective où il y a des lignes, on va quelque part, tandis que là, en fait, le paysage se renverse et c'est l'étendue. On voit notre étendue et les traversants, parce que voilà, c'est les paysages, je pense, que nous devons traverser ensemble. Enfin, c'est ce chemin que nous devons faire ensemble, enfin, et que nous créons évidemment en les traversant. Hein, on crée nos propres paysages. Et je pense que c'est tout ce qu'on doit, tous ces espaces que l'on doit construire pour nous-mêmes, c'est ces nouvelles architectures que l'on doit inventer. Je pense que tous les lieux sont fermés, se ferment beaucoup. On les voit. On les détruit ou on les fait disparaître. Et surtout, on enlève dans les villes notamment, on enlève le vivant. Hein. L'autre jour, je parlais des villes coloniales et je disais qu'en fait, il y a deux sortes de villes coloniales. Il y a les villes coloniales qui se sont ouvertes. C'est celle où on voit l'horizon, où on voit la mer, par exemple. On peut voir au-delà. Et il y a des villes qui sont d'ailleurs... Enfin, c'est un peu paradoxal, mais qui sont devenues souvent... qui ont été préservées, rénovées, qui sont souvent au patrimoine de l'UNESCO. C'est très, très belle ville. On a tout restauré, donc c'est très beau. C'est là, mais qui sont devenues des vitrines, On a merchandisé, enfin, voilà. Marchandisé, voilà. on a marchandisé, voilà, une image que... Et malheureusement, quand on voit... très souvent dans ces villes-là, effectivement, les bâtiments... sont très beaux, les structures, en fait, tout est... On a un rêve, on vient faire son commerce, c'est-à-dire que les touristes arrivent, on vient acheter, etc. Il y a des... Et puis, il n'y a plus les gens. Il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens-là ont été repoussés à la périphérie, au loin, on ne les voit plus, enfin, ils ont disparu de toute façon. C'est ces fermetures-là, voilà, qui me... Et je pense qu'on doit ensemble... voilà, on doit réouvrir les lieux. Hein, on doit réouvrir les lieux, les réinventer, des lieux qui nous conviennent, des lieux qu'on fait ensemble. Enfin, je veux dire, on est obligé de... Le monde est... effectivement, le grand capital se partage le monde, mais je pense que c'est nous devons le partager ensemble. Nous devons partager le monde ensemble et partager ces lieux, mais en les inventant, parce que ce qu'on nous impose là maintenant, ceux dans lesquels on nous enferme, parce que franchement, il est très facile de voyager, mais vous voyagez où ? Enfin, vous allez dans des malls, vous arrivez dans des malls, dans des centres commerciaux. Je suis désolée, pourtant j'adore Cuba. Je suis allée assez récemment à La Havane et je suis désolée. Enfin, j'étais absolument désespérée de voir des grandes marques, des grands magasins. Il y a eu une tempête incroyable. Donc, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus d'eau, etc. Donc, la ville était absolument dans le noir, sauf... Il y avait des points lumineux et tout le monde d'ailleurs se réunissait près de en marchant dans l'eau, en fait, etc. Et c'était ces grandes vitrines qui avaient des groupes électrogènes, etc. Alors vous voyez quoi ? Ben des sacs, des machins, etc. Et donc c'est ces points lumineux. Qu'est-ce qui reste dans le monde ? Voilà, dans cette obscurité, c'est les vitrines. Voilà. Et c'est pour ça, enfin, si vous voulez, bon, je ne sais pas ce que je fais là, mais enfin, quand j'ai voulu faire les traversants, enfin, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est les paysages, peut-être, c'est mes espaces traversants. C'est ceux que je traverse et les traversants, c'est ceux qui m'accompagnent, que j'accompagne peut-être, voilà. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Edoui, vous voulez y rajouter quelque chose ? Non, je disais, enfin, travail de Sylvie, c'est-à-dire que les espaces nous traversent, elle réussit à, comme elle disait, l'horizontalité, la surface plane de l'œuvre. En fait, c'est, il y a tout un travail de la matière, et donc en fait, il y a un vrai paysage qui surgit, qui est, voilà, il y a des reliefs, ça accroche, ça. Et en fait, ce qu'il y a dans toute cette forme nouvelle de son œuvre, il y a cette idée qu'on est de passage. On est de passage. Hein. Le déplacement, c'est le propre de l'homme. Hein. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme. Hein. Son destin est de bouger, et de se déplacer. Mais passage, ça dit beaucoup de choses. Passage, on se passe des choses, on passe un passage. Et dans toute cette œuvre, en fait, il y a des petites traces noires, et c'est nous, c'est cette humanité de passage. Et nous ne sommes que de passage sur Terre aussi, hein, n'oublions pas ça. Et c'était formidable ce que disait Sylvie, parce que, parlant de ces mots, Oxfam, l'ONG des ONG, a, comme chaque année, rappelé en janvier qu'aujourd'hui, 26 personnes, 26 familles, 26 milliardaires, oligarques, possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité, que 3 milliards 700 millions d'individus. C'est-à-dire que ce n'est plus les inégalités comme avant, entre vous, moi, classe moyenne supérieure, classe populaire. C'est une captation, comme à la fin du 19e et au début du 20e, par une infime minorité offshore. Hein. Ils sont dans des avions privés, ils ne vivent pas dans le monde comme nous, ils ne nous croisent pas. Hein. Or, dans ces 26, il y a 2 Français. Et c'est intéressant, c'est qui ? L'un, c'est Bernard Arnault, c'est le luxe, c'est LVMH. C'est une fortune faite que sur cette consommation de surface, de luxe. Il n'y a que ça. C'est ça. Et l'autre, c'est les produits de beauté, les cosmétiques. C'est L'Oréal, c'est Françoise Meyer-Bettencourt. Donc vous voyez bien ce que ça dit de ce monde. Ce monde, il promeut, au fond, est-ce qu'on peut vivre sans un sac LVMH ? On peut vivre sans un produit L'Oréal ? Est-ce qu'on peut vivre sans Conque de Lamby ou sans la peinture de Sylvie Sema Glissant ? Eh ben, je ne suis pas sûr. Alors, je dois rajouter juste quand même que quand on marche, quand on passe, on retrouve le sol, hein, on retrouve le contact avec le sol, parce que je pense qu'on a vraiment perdu ce contact. Les sols sont encapsulés par des matières préformées, des bétons, des tout ce que vous voulez, qui sont absolument rigides, qu'on peut pas. Tandis que là on retrouve nos sols, on retrouve nos matières, on sait sur quoi on marche. Mais notre corps le dit, Sylvie. On ne doit pas courir sur du béton. Exactement. On ne doit pas courir sur du goudron. C'est mauvais pour la colonne vertébrale. Quand on court, il faut courir sur du sol. Il faut tout. Mais il faut le trouver, le sol. Voilà. Là, il n'existe plus. Bien sûr, il n'existe plus. Il est encapsulé dans le sol. Et les botanistes nous disent ça. Vous savez que pour le CO2, les gaz à effet de serre, il faut végétaliser les villes maintenant. Et on devrait avoir, on devrait être plein de végétation et du coup casser le béton, casser le goudron. Pardon, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, mais tout à fait. Moi, je pense qu'il faut voir comment le paysage arrive à faire exploser tout ça, à remonter. Ouais. Tu vois, il y en a un, justement, dans un des tableaux, comme ça, qui voit un petit personnage qui remonte une feuille. Bien sûr. Et au loin, c'est la ville, qui peut être New York, par exemple. C'est un des plus grands formats. On voit des tours, un peu. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Okay. Donc, on invite, évidemment, à découvrir pour nos spectateurs. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je vous propose de retrouver Nathalie Lollet pour sa chronique sur la Fondation Blachère. Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lollet du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise. Belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Savez-vous qu'il existe au cœur du pays d'Apt une fondation d'art contemporain qui œuvre à la reconnaissance et à la diffusion de l'art contemporain africain? Il s'agit de la Fondation Blachère, du nom de son fondateur Jean-Paul Blachère, aptésien de naissance, et la fondation est ouverte librement au public. Il y règne un esprit d'ouverture et de confiance que l'on ressent dès en entrant. Nous en avons parlé avec la chargée de communication sur place. La fondation a été créée en 2004, mais c'est une histoire qui dure depuis bien plus longtemps que ça. C'est une histoire qui dure depuis les années 80, puisque M. Blachère, donc, qui a créé l'entreprise Blachère Illumination, qui fait les illuminations de Noël dans beaucoup de villes en France, est vraiment tombé amoureux de l'Afrique dans les années 80. Il a commencé à voyager beaucoup, à rencontrer des artistes beaucoup dans leurs ateliers. Enfin, c'était vraiment... C'est la base de la fondation, hein. Les rencontres humaines. Et c'est la base de la collection. C'est la base de la collection. C'est là qu'il a commencé un peu à acheter des œuvres pour sa collection personnelle. Et au final, on va dire un peu de fil en aiguille et de rencontre en rencontre, il a décidé de concrétiser son action en créant la fondation en 2004. Ça a commencé avec des ateliers, un atelier de sculpture, d'abord à Accra au Ghana, puis à Joukas. Joukas, c'est juste à côté d'Apt, c'est un tout petit village minuscule. Dans lesquels il y a eu les premiers ateliers croisés, on va dire. D'accord. Et puis l'année d'après, donc 2005, c'est l'ouverture du centre d'art. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, la boutique d'artisanat, tout. Et donc chaque année, vous recevez des artistes africains. Oui, chaque année, on reçoit des artistes africains. Résidence. On a 4 à 5 artistes en résidence ici à la Fondation et autant au Sénégal où on a un lieu de résidence aussi là-bas dans un village qui s'appelle Ngaparou qui est pas très très loin de Dakar. Okay. Voilà. Et donc chaque année l'exposition est renouvelée. Trois expositions par an. D'accord. Là, c'est notre grande exposition d'été, on va dire. L'expo d'été est traditionnellement plus longue et celle de début d'année et celle de fin d'année plus courte. Et donc là, voilà, c'est vraiment une exposition qu'on a créée à partir de notre collection, puisque les œuvres qui sont dans l'exposition sont beaucoup des œuvres de notre collection. Et les œuvres des artistes en résidence aussi. Les œuvres d'artistes en résidence, exactement. Cette année, une vingtaine d'artistes de plusieurs pays d'Afrique sont regroupés dans l'exposition Filament, autour de la thématique du tissu, toutes sortes de tissus vraiment, et du fil, toutes sortes de fils. Du tissu sculpté au dessin au fil, de la photographie brodée à la peinture à l'aiguille. On peut lire à l'entrée de cette magnifique exposition « La Fondation Blachère explore les arcanes du fil, du tissage, du lien, du tressage, confrontant les œuvres de 22 artistes contemporains africains. Chaque artiste laisse dans son œuvre des fragments de son âme, tisse un peu de lui-même dans la toile, du fil de l'âme au fil de lumière. » Et on découvre Marion Bohème, entre l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Elle rend hommage aux femmes rencontrées dans un township de Soweto et détourne des matériaux de récupération utilisés couramment. Il y a par exemple un portrait de petite fille, de fillette, fait à partir de papier journal rebrodé, avec une implantation de cheveux véritable, entourée de fleurs artificielles et de dentelles. Elana Tsui, artiste ghanéen, explore lui aussi les matériaux recyclés dans la veine du mouvement Upcycling, avec des sculptures murales aux reflets mordorés faites à base de capsules de bouteilles. Il sublime véritablement le matériau au rebut. Il y a Kyle Meyer, l'artiste qui a travaillé cette année en résidence sur la thématique de l'illégalité de l'homosexualité masculine dans les sociétés hyper masculines comme au Swaziland, où il a vécu longtemps lui-même dans l'oppression. Il a écouté les histoires d'hommes gays de plusieurs pays. Chacun lui a donné une pièce de tissu dont il a fait une coiffe. Il y a raconté leur histoire. Il tresse des bandes de papier et des bandes de tissu wax qui prennent vie et dessinent un personnage sur de grandes surfaces murales à la façon de Klimt. Il parle là d'un homme ghanéen en particulier qui subit l'oppression dans son pays où l'homosexualité est interdite et rudement punie. On découvre encore Ife Oma Anayeji du Niger avec son travail de tressage de la laine à base de techniques traditionnelles et aussi de techniques absolument non conventionnelles. Il y a bien d'autres à découvrir encore de façon inédite. Cette exposition est un véritable cadeau, une beauté à découvrir absolument. Alors je vous conseille d'aller la visiter. Vous pouvez visiter la Fondation Blachère, Avenue des Argiles à Apt, de 14h à 18h tous les jours en juillet. L'exposition Filament se poursuit jusqu'en septembre. Et à partir du mois d'octobre, une nouvelle exposition lui succédera sur le thème du fer. Pour terminer, J'adresse cette citation à Sylvie Glissant en hommage à sa magnifique exposition « Les Traversants » à la chapelle du Verbe incarné. « Méchants, tous nous sommes qui vivons parmi nos pareils. Une seule chose peut nous rendre la paix, c'est un traité d'indulgence mutuelle. » Cette citation de Sénèque dit comment nos actes peuvent constituer un attentat contre l'humanité et impacter l'avenir des générations futures et notre réalité actuelle. C'était Nathalie Lollet à Avignon pour Antilla et Radio Thomas. Le metteur en scène du spectacle Nina Lisa est venu partager avec nous un moment de lecture avec un extrait de Sur mon piano, Thomas Prédour, c'est à vous. Au fil des saisons, je pianote sur les touches de mon piano et ces sons me touchent. Au fil du son, le sourire de ma mère m'apaise. Au cœur de l'émotion, la couleur de ma peau me pèse. Ma mère n'est plus là, mais toi sous mon toit, moi sous toi, moi en toi, toi en moi, la douceur de ta peau me rend tout aise. Pourtant je déchante. Alors je chante et j'enchante. Un jour, quelqu'un m'a dit, sûrement pas la femme à Sarkozy, qu'en musique, il faut deux noirs pour faire une blanche. Deux noirs pour faire une blanche. Ironie de la grande histoire où nous ne sommes rien sans les noirs. Nous sommes liés par un destin sans fin. Alors votre grand arche, votre grand homme avec un grand H, je le hache, je le fume et je m'envole. Pourtant, je déchante. Alors je chante et j'enchante. Je ne veux plus de votre pitié, je ne veux plus de votre amitié, je veux juste que vous m'écoutiez, juste une fois, juste une voix, ma voix sans mauvaise foi, juste l'espace d'un instant, hors du temps, ce temps où vous comprendriez que le noir et le blanc s'est dépassé. Aujourd'hui, le monde est en couleur, les couleurs de l'arc qui lance des flèches dans le ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel qui vous ensorcellent, couleur, couleuvre, couleur, couleur des mots, couleur des notes qui dénotent dans un monde de l'école blanc, à force de laver plus blanc que blanc, ont rendu le monde gris, grisé par l'austérité. Ce gris, leur couleur préférée, ce gris qui me donne envie de crier. Et pourtant, je déchante. Alors je chante et je tente d'enchanter. Je reviens à la source, je reviens à l'eau. Allô, maman, m'entends-tu? Do, do, l'enfant, do, do, bama. Je voudrais tant te rejoindre dans l'au-delà avec Lumumba, Sankara, Mandela, Nina. Mais vous voulez me clouer au sol, vous tentez de me faire délirer. Mais sachez, sachez que je ne serai jamais votre ami. Alors je dis, et je ris, à mort le fric. Vive l'Afrique et vive la vie. Vive l'Afrique et vive la vie. Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon. Bonjour Estelle Laurentin. Bonjour Savannah. Alors quel extrait d'archives allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Ouais, alors moi je vais être moins lyrique que Thomas Prédour dans sa belle lecture. C'est en effet l'heure de notre série radiophonique Archives d'outre-mer consacrée à Édouard Glissant. Aujourd'hui, on va écouter le troisième extrait d'une conférence enregistrée à la chapelle du Verbe incarné le 13 juillet 2009 et intitulée « Crise coloniale, crise mondiale ». Alors, on y écoute Édouard Glissant qui nous parle de la façon possible d'agir et de comprendre l'imprévu du monde. Pouvons-nous vivre dans l'imprévu? C'est-à-dire, pouvons-nous concevoir que nous pouvons agir dans l'imprévu? Parce que si nous ne pouvons pas agir dans l'imprévu, c'est quand même assez désespérant. Et ça, c'est un peu... on se laisse aller, on est là, le monde est imprévu, alors bon, je me laisse aller, je ne fais plus rien, etc. Non, ce n'est pas ça. Donc, il y a un problème grave. Comment agir et assumer des responsabilités dans l'imprévu du monde, dans l'inextricable du monde, dans cette chose qui nous vient de partout à la fois et qui fait que nous ne pouvons plus définir un territoire. Quel est le territoire dans lequel nous sommes maintenant? C'est le territoire d'Avignon? C'est le territoire de la France? C'est le territoire de l'Europe? C'est le territoire de la Méditerranée? Nous ne pouvons pas définir avec rigueur notre situation dans le monde. Et ça c'est aussi une donnée nouvelle. Et alors, le politique, c'était traditionnellement ce qui nous rassurait. C'est-à-dire que il y avait le combat pour la démocratie, par exemple en Angleterre, pour le système démocratique, il y avait le combat pour le rationalisme, il y avait le combat pour la conception providentielle et religieuse du monde, il y avait le combat pour les libertés nouvelles et le socialisme, il y avait le combat en même temps pour et contre, n'est-ce pas? Et il y avait toute cette série, mais aujourd'hui, mais même si nous continuons ces combats-là, nous savons que ces combats-là n'intéressent plus directement le sort et la situation du monde. Alors, quel combat peut-on mener dans le sort et la situation nouvelle du monde? Alors, je vais essayer de, comme je vous répète, avec une pensée balbutiante, tremblante, pas sûre d'elle-même, qui me semble être la seule forme de pensée possible pour l'approche du monde. On ne peut pas approcher le monde avec des pensées systématiques, avec des pensées idéologiques. On a essayé et on a vu les catastrophes que ça a entraînées. Il faut palpiter du palpitement même du monde. Comme disait Aimé Césaire, n'est-ce pas? Il faut trembler du tremblement même du monde pour essayer de comprendre et de voir ce qui se passe en nous, autour de nous et avec nous. Archives d'Outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarne.fr. Bonjour Michel Erland. Alors, vous êtes avec nous pour nous présenter votre seule en scène, Le Déparleur, que nous pourrons découvrir le 16 à 17h30 à la Petite Chapelle du Verbe Incarné. En effet, je vous remercie de m'avoir accordé cette faveur. On a toujours envie de se faire entendre, ce n'est pas toujours facile. Avignon, il paraît qu'il y a plus de 1500 spectacles dans le off. Alors, si on m'accorde même une heure et demie, je trouve que c'est... formidable. Alors là, ça sera quelques minutes, mais on écoutera avec plaisir ce que vous avez à nous dire sur ce monologue. Quand je disais une heure et demie, c'est lors de la représentation demain, bien j'entends, sûr. J'entends. Bien sûr. Donc, sur ce spectacle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, c'est un seul en scène que j'interprète donc moi-même. Pourquoi j'interprète moi-même? Parce que c'est compliqué quand on n'est pas un auteur reconnu de se faire jouer. Donc j'ai écrit quelques pièces, il y en a qui ont fait l'objet de lectures dans le cadre d'une association qui s'appelle ETC Caraïbes, écriture théâtrale contemporaine de la Caraïbe, quelque chose qui était basé en Guadeloupe, ça a migré vers la Martinique, mais bon, c'est, c'est une association qui s'est donné comme objectif de développer l'écriture théâtrale. Et il y a pas mal de gens qui traînent ici, non pas dans les couloirs, mais sur le trottoir, qui sont passés par cette école. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, j'ai écrit plusieurs pièces, dont une sur Fanon, qui s'appelle Franz, qui a fait l'objet d'une lecture publique. Et puis d'autres, et finalement, pour être sûr d'être joué, ce monologue. Alors pourquoi le déparleur ? Alors le déparleur, c'est un terme qu'on trouve par exemple dans le roman « Tout monde » d'Edouard Glissant. En fait, le personnage principal du roman, c'est le déparleur. Et dans la tradition antillaise, un déparleur, c'est quelqu'un qui est sur son lit de mort, en réalité, et qui éprouve le besoin de dire tout ce qu'il n'a pas dit, des choses qu'il ne fallait pas dire. C'est pour ça qu'il ne les disait pas, bien sûr. Voilà. Et c'est un peu le contenu de ce que je raconte. Alors, c'est un vieil homme, donc. Bon, il n'est pas mourant, mais à la fin, on se demande s'il va survivre longtemps. Et il raconte des choses, des secrets de famille, et puis d'autres choses. Parce que, bon, on essaye... Quand on est, je crois, quand on est un humain, on essaye de ne pas s'effondrer complètement, de s'enfoncer dans des souvenirs douloureux. Il y a aussi d'autres choses à dire. Voilà. Alors, la pièce est divisée en 10 scènes, en fait. Chacune intercalée par un noir avec un peu de musique. Alors, je ne pense pas que nous ferons le noir demain, c'est bien dommage, mais il y aura la musique. Il y a quelques poèmes en voix off, dont deux extraits de Pierre-Jean Jouve, en particulier. Et puis, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de remarquable ? Une chanson. Il y a une chanson pour commencer, pour mettre les gens dans l'ambiance. Et le refrain de la chanson, c'est « Nous les clochards, c'est vous les jobards ». Et on verra dans la suite pourquoi les jobards. Très bien. Bah, merci beaucoup d'être venu nous voir. Donc, on vous invite évidemment à découvrir ce monologue qui se jouera demain à 17h30 à la Petite Chapelle du Verbe Incarné. Je vous quitte en vous laissant en bonne compagnie avec Greg Germain et Aimé Césaire. C'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon. Évidemment, on se retrouve demain en direct à 18h pour découvrir d'autres créateurs d'outre-mer. Et notamment le spectacle Accompagne-moi et de la danse avec J'habite une blessure sacrée. Retrouvez-nous chaque jour sur nos radios partenaires, Radio Grenouille à Marseille, Aligre FM à Paris et aussi sur le magazine Antilla et notre blog Mediapart. Belle soirée à tous et bon festival. Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain. Nous connaissons tous Aimé Césaire. Homme politique martiniquais, né au début du XXe siècle et qui a presque traversé ce XXe siècle. Aimé Césaire est aussi un auteur de poèmes, un auteur de pièces de théâtre et surtout un auteur d'essais. Tout le monde connaît Cahier d'un retour au pays natal, mais peut-être un peu moins Discours sur le colonialisme. Et c'est quelques passages de ce discours sur le colonialisme que je vais vous lire. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce qu'en son principe que la colonisation ? De convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit, d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec, derrière, l'ombre portée maléfique d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée de façon interne d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur